Ben, comme je dis, moi, ça me dérange pas de faire le podcast de même, mais si tout le monde. C'est juste que t'es pas chanté toi. Ouais, c'est ça, il est restarté, là. On est live, là. Donc. Parce que, honnêtement, j'ai essayé de mettre des. Fermé OBS au complet? Oui. Puis là, on est live, puis ça marchera pas plus. Mais, parce que, comme je dis, je me suis mis en headset, puis si je me mets en headset, le monde, il vous entend pas. J'ai aucune idée, là, de qu'est-ce qui se passe. Au pire, monte le son de tes speakers à fond, hein, considérant qu'on entend rien. Fait qu'au pire, ça va être de la merde, on va entendre. Oh! Ben, c'est ça que j'ai fait tantôt, puis le monde chialait que c'était calme. Fait que. Ouais, mais là, on entend rien, ça veut pas vraiment rien. Hein. Ok, on entend rien, là. Ben, comme on entend, mais vraiment pas fort. Ok. Là, faudrait que vous parliez, par exemple. Ouais, mais là, faudrait continuer à parler. Si vous parlez pas, là, moi, je peux pas monter mon son. Ok. Allô, allô. Ouais, y'a madame Zoom. Oh my god! Non, non, non, c'est bien trop. Ben là, wow. Je m'entends, là. Genre qu'ils vont m'entendre en tout. Non, mais c'est sûr qu'on va s'entendre. Ben, c'est à cause. Non? Non, là, c'est pas. Mais là, c'est pas pire, je te dirais. Là, c'est cacane, mais genre, on entend. Mais Aurop dit, elle a simplement sorti des captures de Skype. Oh, mais Rage Driver dit qu'on entend bien maintenant. Ouais, mais c'est vraiment bad, à cause c'est. Dans le fond, ça porte des speakers à 4 lettres, ça va dans son micro, genre. Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Mais je sais pas, moi, je suis un obèse. Je ne mets pas ça, ça a l'air de genre, délivre-moi ça sur ma vie, là. Dans le podcast, c'est fini, là. C'est vraiment de la merde. Oui. Genre. Surtout envoyer coup de même là-dessus, là, c'est dead, là. Wow. Ah, mais là, je, on dirait, je pense que c'est réglé. Il y a du son, ça a l'air, selon les mots. Ouais. Oh, ça vient de revenir. Oh, Jésus! Le son, il est revenu! Oh my god! Ok, les filles, vous c'est-tu correct, là? Oui! Ouais. Il paraît. Oh. Oh my god, non, c'est... Oh my... Ok. Ok, on va continuer à parler, parce que là, tout le monde dit bonjour à Paulinette. Donc, bonjour, Paulinette. Le son est mieux, là, Katless. Merci énormément, Docteur Jumu. C'est vraiment apprécié. Chris, c'est fort! C'est vrai que c'est fort en tabarouette. Salut, Dolce Gaming, comment ça va? Mais non, Katless, là, le son est super fort pour tes mates et pas pour toi. C'est vraiment un cap! Moi aussi, j'ai chuté pour vous ménager les oreilles. Okay, puis on va pas me reculer le micro. Est-ce que comme ça, c'est correct, les filles? Tout le monde? Ok, non, là, je l'ai baissé, ça devrait être correct, là. Bon. Ok, on va continuer à parler. Hey, en passant, guys, ceux qui sont dans la chaîne, merci beaucoup, hein, à XUTV pour le host. Pour ceux qui sont dans la chaîne qui étaient déjà de notre côté, allez les follower. Allez le follower, ça vaut vraiment la peine. J'ai été voir, puis c'est un streamer qui fait du arc. Donc. Oh, cool! Justement, il yes. y a arc machin qui sort présentement ce mois-ci. Check, il y a quand même cent... y a beaucoup de monde. Il y a 11 000 followers, puis il était. Checker la TV 4K qui sert à rien que Néo dit. Hey, Néo, man, ça sert à entertain quand il n'y a pas de son. C'est à ça que ça sert. Oh, merci beaucoup, Docteur Jumu, de clarifier que c'est vraiment XUTV qui me host. Ben, c'est ça, j'ai envoyé son lien aussi dans le chat. Je l'ai envoyé et j'ai dit à tout le monde de notre chaîne de le follow. Ok, super. Chippy Dragoon, écoute, on n'a pas le choix. Ok, là, le guys, là, on peut-tu spammer si tout va bien, si le son est correct? On est dans un tunnel, mais c'est correct. Comment ça qu'on est dans un fucking tunnel? Et que finalement, aujourd'hui, ça n'aura pas été un... Ce sera pas vraiment un gros stream, ça va être surtout quelque chose qui est drôle, puis... ça va être okay. Des... Ok, on peut-tu confirmer que c'est correct, le son, s'il te plaît? Ben, c'est un tunnel, le son, je te le dis. Comment je l'écoute en ce moment. Tunnel? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, on s'entend un peu en robot-ish. Robot-ish. Ouais, c'est... T'as peur, continue à parler, là, je vais essayer d'aller vous écouter. Je dirais que le son est 4 sur 10, mais bon, c'est mieux que rien. Ça, nice. Tant que ça. Je pensais que j'allais régler tantôt. Calé. Ok, puis là, c'est-tu mieux? Allô, on test, est... test, test, test, allô, test. Ouais, on continue à parler, guys, là. Du... Un fût tunnel. OK. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hey, oui, là, c'est bon. C'est correct, là? C'est parfait! Oh, yes! Ça dit que c'est du son de webcam et non les nôtres. Quoi? Non, de tes copines. Là, non. Ouais. Mais non, est-ce qu'on a des bon micro, check ça, man! Ouais, genre, on se montre nos micros! Ouais. Cam, con. Moi aussi, j'ai une gros, un gros micro, là. Hey, on a des petits bonnes nylons, là. Anne, elle aime ses grosses affaires. Oh mon dieu, JP Dragon qui confirme que c'est wow. Parfait! Ok. Fait que là, c'est correct? Parfait! On peut-tu commencer? Il nous reste genre une demi-heure, let's go! Ok, je tiens juste à dire, là, que j'avais mis ma sortie audio sur ma carte de son et non sur mes sur mon son ordinaire. Wow. Ok, je pensais genre que Madame Zoom enlevait ses écouteurs puis collait ça son camp. J'étais pas loin. Oh non, névrose, sérieux. Faudrait qu'un homme s'occupe de la technique de ce podcast. Tu sauras qu'un homme s'est occupé de la technique de ce podcast. Et cet homme, c'est Max Tremblay, ok? Qui est venu me secourir parce que ça chiait que le calice. Bon. Maintenant, une heure plus tard, tout fonctionne. Grâce à cet homme. Bon! Moi, j'ai... on a-tu fini à ce qu'on avait joué, là? Oui, on... Ouais, mais ben là, on parlait des jeux qui sortaient ce mois-ci, OK? Ah, on était rendu là! Ben moi, je voulais parler de... Je vais commencer. Je voulais parler de... de Pokémon. Elle commence à... Elle va tout clarer son stock, ben OK, c'est bon, je m'en vais! Non, mais là, il faut faire du rattrapage, d'efficacité, let's go! Ouais. OK, go! Mais un jeu qui sort ce mois-ci, Pokémon Go, que ça s'appelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck, un autre jeu de Pokémon? Mais non, c'est un jeu de Pokémon sur cellulaire, les amis. Fait que, dans le fond, tu downloads ça sur ton cell, c'est gratis. Ça sort au mois de juillet, là. Je sais pas encore la date. Je sais pas même pas s'ils l'ont annoncé la date exacte. Ils ont juste dit juillet. Puis, dans le fond, c'est ça marche avec ton cell, puis la position, géolocalisation, puis tout ça. Puis c'est de la réalité augmentée. Fait que, dans le fond, ça marche avec ta caméra sur ton cell. Puis là, tu filmes. Ouais, c'est fou. OK, tu te promènes, mettons, dans ton quartier. Puis là, tu regardes ton cell. Puis là, à travers la caméra, tu vas voir des Pokémon, genre, sur ton terrain chez vous ou dans la rue, puis tout, genre. Puis là, il va falloir que tu les attrapes. Puis là, une fois que tu les as attrapés, c'est comme si tu avais des Pokémon, là, tu les attrapes avec des fausses Pokéballs dans ton sel, puis tout, c'est cœur, hein. Puis là, une fois que tu les as attrapés, là, tu as des Pokémon à toi. Puis là, c'est comme, mais là, esprit, à quoi ça sert d'avoir plein de Pokémon, là? Ben, crime, ça sert à faire des batailles avec tes amis. Ben, crime, après ça, tu peux aller avec tes amis qui ont eux aussi l'application qui est gratuite, c'est magnifique. Puis ils peuvent, vous pouvez faire des combats de Pokémon avec ceux que vous avez ramassés dans la rue. Fait que, genre, dans le fond, ça t'oblige à sortir de chez vous, d'aller pogner des Pokémon, puis après ça, revenir chez vous, puis faire des combats de Pokémon. C'est pas pire! Fait que c'est ça. Fait que c'est, ça va être gratuit, ça va être à essayer, vu que c'est gratuit, hein, pourquoi pas. On va aller se promener dans notre quartier puis découvrir des Pokémon. J'ai une petite question rapide. Je sais pas si t'étais au courant, il y avait aussi une montre qu'on pouvait acheter. Oui! T'as des accessoires! Puis là, c'est écœurant, le Nintendo, ils ont mis ça, le marketing, là-dedans, c'est fou! Là, tu peux acheter comme... Je sais pas, c'est-tu une montre? C'est comme un bracelet, je sais pas trop. Mais en tout cas, t'achètes ça, puis c'est un accessoire, c'est comme un genre... Ça finit par être un genre de Tamagotchi, t'as tes Pokémon là-dedans, c'est fou. Tu deviens un vrai dresseur de Pokémon, attraper les tous. Nice! Fait que là, Anne, on se fera des combats de Pokémon, mais qu'on se voit. Check bien ça. Là, t'as commencé à courir, là. Fait que là, tu vas aller courir, tu vas ramasser plein de Pokémon. Là, moi, je check bien ça, je vais être tout le temps dans le bois, là. Fait que là, tu vas faire. Mais là, tu dis que c'est gratuit, ça veut-tu dire que, genre, il va y avoir 1 million de microtransactions? Ben là, on sait pas. Peut-être bien que là, il va falloir que tu payes pour acheter des Pokéballs, tout ça. Y avait aucune info là-dessus. Mais moi, je te call de la shot qu'il va en avoir, c'est clair. C'est comme... Sinon, comment qu'ils font de leur money? Fait non, c'est que ça. C'est ça. Je pense que tu vas acheter des meilleurs Pokéballs pis tout ça. À cause, tu sais, dans le fond, tu sais, dans Pokémon, t'as plein de Pokéballs, de types de Pokéballs, pis les standards, t'as moins de chances d'attraper des Pokémon avec, pis tout. Mm-hmm. Fait que je pense que pour avoir les meilleurs, peut-être, il va falloir que tu n'agites. Ça vaudrait peut-être la peine. Ouais, ben là, ça dépend si tu fais beaucoup de combos ou Ouais. non. Ça dépend aussi sûrement d'où est-ce que tu vis. Moi, je viens de la Côte-Nord. J'imagine qu'il va y avoir sans moins, beaucoup, beaucoup moins de sortes de Pokémon qui vont être Non, dans mais nos choix, ça n'a pas contrairement à rapport. Montréal, non? Non, ça n'a pas rapport. C'est comme ça check ta map, puis ça en met de random où c'est que t'es, genre, ça te smash jusqu'à là, mettons. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, on peut en trouver. Moi, je pensais que si on allait, par exemple, à Montréal, j'allais avoir un Pokémon spécial, tandis que si j'allais à sa Côte-Nord, il allait avoir d'autres sortes, ou que j'allais en Europe, peut-être Ah, qu'eux allaient ben. avoir d'autres Non, sortes. mais de ce que j'ai compris, ça se met random, mais que peut-être tu peux. Peut-être t'as des. Ils vont mettre des locations spéciales pis tout ça. Ce Oh, serait fou. peut-être. On peut faire tellement de choses, comme par exemple avec les Pokémon qui sont au 3DS. On peut des fois aller dans des EB Games, par exemple, dans des événements spéciaux, où est-ce qu'ils peuvent transférer dans ta console, dans ta DS, le Pokémon. Des fois, il y a des petites choses du genre. Ouais, ben c'est ça, ils vont sûrement faire ça. J'imagine qu'ils vont faire plein de petits trucs là, quand ils font des events Nintendo pis tout ça, là. J'imagine qu'on va avoir des spéciaux là, de Pokémon pis tout, notre app de sel. Fait que Ouais, sûrement. bref, c'est ça. Ça va être essayé ce mois-ci. Ouais. C'est sûr. Pokémon! Est-ce que toi, Katless, tu veux parler de ton jeu avant ou ça va être moi? Ben oui, ben je peux parler vite fait là, de I Am Setsuna. Dans le fond, c'est vraiment un RPG japonais là, qui est comme vraiment super beau. Mais dans le fond, le truc, c'est que il y a comme vraiment, vraiment pas beaucoup d'infos. C'est ça qui est plate parce que dans le fond, si tu le précommandes immédiatement sur Steam, tu peux avoir la bande son là, qui vient. Puis moi, j'adore les bandes son de jeux vidéo. Donc, pour. De Luigi Gaming, je voudrais savoir si c'est pour iPhone ou Android le Pokémon, tu le sais-tu? C'est les deux. Ah, les deux! Wow! Yes. OK, parfait ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, je voulais regarder parce que j'ai pas encore acheté ma carte graphique, ma nouvelle carte graphique. Fait que là, je me demandais si ça demandait genre beaucoup là sur l'ordi puis tout ça, surtout si je veux le streamer. Mais on n'a pas, il y a comme zéro info encore sur ça, sauf quelques petits gameplays en japonais puis la photo que j'ai montrée tout à l'heure. Donc c'est assez mystérieux, mais c'est vraiment un RPG. Et ça se passe beaucoup en hiver, c'est assez romantique, moi je trouve. Donc j'ai hâte de voir. Fait que c'est ça. Parfait. Je Ben, moi, le jeu de mon côté, c'est Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered, qui est pour le PlayStation 4. Comme vous le savez, c'est un jeu qui date de 2005. Il était déjà remaster dans le passé pour le PC. Maintenant, il va être remaster pour le PlayStation 4. Il va sortir le 19 juillet, donc très bientôt. C'est, comme je vous disais, un jeu qui était en 2005, qui a été créé par le réalisateur de Heavy Rain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu où est-ce que vous devez faire des choix. Et tout dépendant de vos choix, ça influence l'histoire, la mort de certains personnages, etc. C'est environ la même chose, sauf que l'histoire, bien entendu, est différente. Un personnage semble possédé, dans le fond, par un démon. Il tue des personnes, vous devez le contrôler. Et on contrôle deux autres agents de police, où est-ce que vous devez essayer de trouver la personne qui fait le meurtre en essayant de trouver des indices et tout. Docteur Jumu, oui, je sais, je parle très rapidement, mais je sais qu'on puisse tout faire le podcast en un certain délai. Oui, c'est ça, David Cage. Donc, ça pourrait être très intéressant à acheter pour ceux qui n'ont pas déjà la version PC, car j'imagine que ça va être à peu près la même chose. Aussi, c'est beaucoup, beaucoup de. Vous devez appuyer en même temps sur les mêmes touches pour pouvoir survivre. C'est quand même assez difficile, mais c'est vraiment intéressant. Donc, c'est celui que je vous conseille ce mois-ci. Nice. Tada! Mais Nice! ça, c'est le jeu que tu as streamé hier. Oui, mais moi, c'était au PC, puis il va sortir au PS4, par exemple. Est-ce qu'il va être plus beau? C'est comme je dis, ça devrait être la même chose que le PC. Le PC est sorti, ça va faire quoi? C'est cette année, je crois, si je ne me trompe pas. Je m'avance un peu, par contre, je suis pas certaine de quand il est sorti, mais c'est un jeu qui était remaster de 2005. Et c'est ça. OK, parce que moi je suis allée sur ton live hier puis c'était Ben, il 2005. était beaucoup plus beau que 2005, je peux te dire. Va voir la version. Oh my god, OK, ouais. Ouh. OK, là tu me fais peur quand même là. Ben, moi, je trouve que les graphiques d'un jeu font pas en sorte que ce soit un classique ou non. Non, c'est sûr, mais ça peut quand même être assez distrayant. Ouais, j'ai quand même été assez stressée parce qu'on est facilement capable d'embarquer dans le jeu. Parce que c'est vraiment, par exemple, il y a des touches qui apparaissent, il faut appuyer en même temps. On est toujours, je vous le dis à la fin du jeu, là, on a les mêmes ouates en jouant au jeu tellement que c'est stressant, il faut tout penser. Par exemple, on fait un meurtre, il faut penser qu'il faut essuyer le sang, il faut penser qu'il faut cacher le couteau, il faut penser qu'il faut se laver pour pas que le policier voit. On essaie de prendre la porte arrière, sinon en avant, il va te voir. C'est tout plein de petites choses à penser, sinon tu peux te faire attraper. Mais ouais. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Bon. Ça ensuite... coûte combien? Hein? Le jeu, moi, je l'ai trouvé présentement en Steam Sale à 5$. Par contre, au PlayStation, je n'ai pas le jeu. Fait que normalement, il est 10$ sur Steam. C'est legit. Yes! Puis sinon, là, on est rendu à faire nos critiques. Yes! Yes! Donc, est-ce que j'y vais avec ma critique? Est-ce que je commence? Oui! Oui! Oui, OK. Ben moi, dans le fond, je suis rendue, on m'a dit que j'étais rendue à la moitié de Uncharted 4. Puis j'adore ça. Ah oui? Oui. T'avais-tu déjà fait les autres avant, toi? J'ai jamais joué les autres avant, mais j'avais un ami qui les a toutes jouées. Puis, tu sais, j'étais avec lui, là, pour les puzzles, puis en tout cas, puis pour toutes. C'est ça, fait que je connaissais quand même l'histoire sans avoir pesé sur les pitons moi-même. Puis je trouve que vraiment, là, celui-là, là, il surpasse les autres. Les graphiques, l'histoire, puis la je sais pas comment qu'on dit, tu sais, t'es comme dans un monde ouvert, mais il te fait vraiment croire que t'es dans un monde ouvert parce que finalement, t'as juste un chemin à suivre, là. Mais c'est vraiment super intuitif, ça va super bien, c'est hyper bien calibré. Moi, dans Tomb Raider, j'avais eu des petits problèmes. Des fois, là, si tu sautais pas exactement là, au millimètre près, à la bonne place sur la roche, là, tu sais, le reste là, des événements s'enclenchait pas. En tout cas, fait que, tu sais, il y avait des choses comme ça. Donc, avec Uncharted, j'ai pas ça pantoute. Je suis super mauvaise pour conduire normalement. Avec ça, je conduis quand même assez bien. C'est sûr que des fois, je fais comme exprès, là. Mais, parce que c'est vraiment drôle, parce que si tu conduis dans la boîte, après ça, là, ton Jeep, il est comme pogné dans la boîte, fait que là, faut que t'ailles le towé avec ton treuil, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis tu conduis un bateau, puis là, ton bateau, écoute, t'es capable de faire de la marche arrière, puis tout, là, tu sais, c'est écœurant. Mais là, vu que tu fais des affaires de même qui sont un peu pas supposées dans le jeu, mettons, je sais, d'habitude, là, t'es d'habitude de trouver des bugs dans des jeux, fait que là, est-ce que t'en as trouvé des bugs? Zéro. Ben, Kim! Yes! Faut le faire. C'est fou, à cause qu'Atlas, là, faut le dire, c'est la testeuse professionnelle de jeu, elle trouve des bugs dans tout. Oh oui, ça c'est vrai, ou des hackers. Ben, c'est parce que, bien souvent, je vais pas jouer à un jeu de la façon que... Voyons, tu sais, comme tout le monde me disait, mettons, quand je streamais Assassin's Creed, tout le monde me disait, ben là, Katless, tout le monde sait que quand tu explores un building dans Assassin's Creed, tu commences par le bas, puis tu finis par le haut. Ben moi, je le sais pas, ça. Fait que moi, je monte tout en haut, puis après ça, je trouve ça cool. Puis après ça, je descends. Mais là, je fuck tous les enclenchements du jeu. Puis là, le jeu faux boss sur moi, il hallucine. Puis là, c'est la fin du monde. Donc, c'est ça. Fait que voilà, c'est ça. Le jeu m'a survécu jusqu'à maintenant. Fait que c'est assez bien. Nice. Mais au moins, t'aimais ça, ça va bien, si ça l'important. Oui. Oui, puis ça me donne vraiment le goût de jouer aux autres. Combien tu donnes? Le Nathan Drake Collection. Ben, à date, combien tu donnes sur 10? Oh mon Dieu, je donne 10 sur 10, là. Nice! Mmh. Puis je tiens à faire un shout-out à Névrose qui a platiné le jeu. Il y a quoi? Oh il a platiné? Ouais, il a platiné Uncharted 4. Wow! Il a juste platiné. Ouais, si j'étais à ta place, Névrose, je me ferais un diplôme Uncharted 4 platine, puis je l'imprimerais avec mon imprimante PDF, c'est clair. Mon PDF en plus! Wow! Imprimante. Je sais pas si il aimait le jeu. Peut-être qu'une troll, c'était Madame Zoom. C'est wow. Son accomplissement du mois. Fait que, voilà, c'est souligné. Merveilleux. Wow! Check coach, c'est fait. Time out. Ah, man, pauvre coach. Toi, Madame Zoom, c'est quoi le jeu? Moi, c'est pas un jeu, dans le fond. C'est le mode de jeu compétitif de Overwatch que je voulais parler, que je voulais critiquer, dans le fond. Mm-hmm. C'est sorti hier soir. Puis c'est vraiment cool, sérieux. Il faut que tu sois comme level 25 pour participer aux compétitives. Oh! Ouais. Ouais, fait que là, comme, faut que tu joues du casual. Fait que, tu sais, c'est cool. Fait que comme ça, t'es sûr de pas avoir de monde qui savent rien du jeu, tu sais. Hey, tantôt, là, parle-moi-en pas, j'en ai un là, qui rageait après moi, là. Ah, il chialait parce que j'avais pris lui qui fait des tours, là. J'ai oublié son nom, il y a un nom bizarre, là. Lui qui fait des tours? Ah, oh, trop bien! Lequel? Oui, c'est lui que t'as dit. Trop Ben, j'ai bien! pris celui-là. Non, Junkrat. Junkrat. Non, c'est... Non, c'est Katless qui l'a. Ouais, c'est trop bien, le nain Ouais, le petit viking. nain, là, ouais. Puis là, quand je le Seigneur, prenais, vous là... connaissez-tu votre jeu? Je connais pas le nom. Fait que là, qu'est-ce qui s'est... Je suis rendue en plus level genre 60, je pense. 50, 60. En tout cas. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui m'a fait chier, c'est genre, on était en attente pour attaque. Sauf que là, il a dit, Hey, what the fuck? Il était genre banné à Nmiao parce qu'il apprend ce personnage-là en attaque. J'étais comme, Yo, la game n'est pas encore commencée. Laisse-moi le temps de le changer. Hey, j'étais tellement fâchée. Après ça, il chialait. J'ai dit, Écoute, peut-être que tu dis, je connais pas le jeu parce que tu me laisses pas le temps, mais moi, je connais l'esprit d'équipe. Ouh! Ta face! Anne, tu jouais compétitif? Ouais. Mais comment ça? On peut même pas ban de... Ouais, mais tu sais, comme il écrivait ban, nanana, puis il chiale. Tu sais, c'est un noob qui chiale qui est tout le temps sorti. Mais ça, je trouve ça poche, par exemple, dans le compétitif. Je m'attendais comme à un truc un peu à la League of Legends, là, qu'on choisit nos héros, puis qu'on puisse ban, puis tout ça. Là, ça aurait été vraiment fou. Mais non, finalement, on peut avoir comme 5 soldiers, si tu veux, genre. Fait que tu peux juste jouer une team de Ouais, on bastion. devrait avoir le droit d'en avoir seulement qu'un, un Ouais, personnage. Ça, c'est un, vrai. puis on pourrait devoir aussi ban, là, ça augmenterait full la stratégie sérieux dans ce jeu-là, là. Comme, tu sais, mettons que tu sais, genre, que ton bonhomme, tu veux jouer, mettons, un sniper, puis ça te tente pas de te faire péter par un ninja, ben, tu sais, tu peux le ban, puis tout ça aurait été fou. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il ajoute dans le compétitif. Mais sinon, le compétitif, ce qui est, genre, je trouve ça vraiment cool parce que ça fait des plus longues games, puis Ouais, c'est vrai! c'est vraiment C'est hot, beaucoup plus sérieux. long. À place d'être des petites games de 5 minutes, genre, c'est comme plein de. C'est comme vraiment, tu joues attaque-défense. Puis ça te fait des points. Comme, mettons, tu joues une game. À cause, t'as deux types de jeux, dans le fond, dans Overwatch. T'as ceux qu'il faut que tu captures un point, puis ça marche avec le pourcentage. Puis l'autre, que tu cap ben, soit que tu captures un point ou t'as des chariots, dans le fond, puis ça marche avec du temps. Puis dans le fond, quand ça marche avec du temps, chaque point que tu pognes, ça compte pour un point. Fait que si, dans le fond, tu finis la map que tu gagnerais en vrai, ben ça te fait 2 points. Puis ça compte le temps à la fin. Fait que dans le fond, c'est vraiment cool parce que si ça devient égalité, après ça devient comme un genre de match à mort, si on veut. Puis c'est avec le temps restant, Ouais. le temps restant que t'as, dans le fond, c'est ça que t'as pour réussir à faire un autre point. Fait que c'est vraiment hot, ça rajoute vraiment comme un autre aspect complètement au jeu de vouloir vraiment se dépêcher puis tout ça, puis à faire le plus vite possible. Non seulement le gagner, mais aussi de faire le plus vite possible pour avoir du temps supplémentaire, c'est vraiment cool. Puis c'est un best of five d'habitude, fait que c'est vraiment nice. Sérieux, ça fait des bien plus belles games. Ça, c'est vrai. Ça Moi, me là, je dérange. me demande... Oh, excuse, vas-y. Oui, mais continue. Je répétais ce que je disais dans le programme. OK. Moi, je me demande, moi, j'ai peur que ça vienne genre aussi comme méchant que League of Legends. Vous en pensez quoi? C'est-tu comme... Moi, je pense pas parce que je pense que la communauté est peut-être un petit peu plus vieille si je m'avance. J'ai pas OK. vu beaucoup de plus jeunes dans les chats, en tout cas. Mais en tout cas, je sais que c'est pas non plus une question de d'âge, mais faut dire aussi que League of Legends, souvent, il y a des gens qui prennent ça tellement, mais tellement personnel parce que ils veulent se classer, puis il y a des gros prix en argent, là. Est-ce que Ouais. ça l'influence? Ouais. Ça va rester à voir qu'est-ce qui va se passer avec le futur d'Overwatch. Mais je pense que leur but, c'est que ça devienne aussi big que League of Legends, mais il va falloir qu'ils fassent des Oui. modifications parce qu'à date, ça peut pas l'être. Il y a moins de stratégie puis tout ça à cause justement des héros que tu peux choisir 5 fois puis tout ça. Ouais. Mais au peu, tu sais, comme dans les jeux compétitifs, c'est sûr que la communauté elle va devenir plus méchante, si tu veux, qu'Atlas. Parce que dès qu'ils ajoutent de la compétition, ça rajoute Salt. challenge, puis Ouais. ça rajoute salt. Puis, mais tu sais, il va toujours avoir le mode casual pour le monde qui veulent pas ça, justement, tu sais. Ou tu peux jouer avec tes amis aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est toujours avec tes amis, Mais c'est ça, c'est cool. comme dans n'importe quel jeu, faut dire. Ouais, ça, c'est Ouais, tu vrai. peux pas faire... Tu peux-tu faire du compétition, du rank avec juste Ouais. ta team? Ouais, puis ce qui est cool, c'est que tu vois Ah. si t'es en team ou non. Genre, tu vas voir si l'autre, c'est qui est teamé ensemble, puis tout. Fait que tu sais, t'auras pas à te demander, mettons, ah, c'est-tu tout du monde qui sont séparés ou est-ce que c'est il y a 2 personnes ensemble ou quelque chose? Tu vas tout le voir s'ils sont ensemble ou non. C'est Pas vraiment besoin de se cool. casser la tête, là. Parce Ouais, que fait. quand vous jouez à Overwatch, là, est-ce que vous faites des teams, genre que vous êtes toutes sur Discord, là, puis là, vous êtes full stratégie, puis chacun a son rôle, puis chacun faut qu'il prenne son personnage, puis là, vous avez vraiment votre stratégie de match quand vous faites votre truc, ou c'est tout... Ben, j'ai fait ça des fois, là, faire full stratégie pis tout, hashtag Team Zoom. Mais souvent, la plupart du temps, je te dirais, ces temps-ci, là, je joue toute seule ou comme avec un ou deux amis, puis on fait ça bien relax. Mais tu sais, comme, ça dérange pas qu'on se le montre sur Internet. Ils sont quand même sympathiques, puis ils se donnent, là. Puis le voice chat, il est bien fait, puis tout, fait que ça va bien, là. C'est comme... Sérieux, j'ai vu des jeux pires que ça pour jouer seul, là, comme genre CSGO, jouer tout seul, ça va vraiment mal. Ouais. Mais ce qui est cool aussi que j'ai remarqué pour le teamwork, c'est qu'il y a un chat interne qu'il n'y a pas normalement avec League of Legends, par exemple. Ah. Ouais, ça c'est cool. C'est ça, le chat vocal, là, c'est comme ça change tout. Mm. Ouais, fait que c'est vraiment cool, sérieux. Mais puis en plus, ça marche par saison. Fait que là, la saison courante a fini le 18 août. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que ça va permettre vraiment à tout le monde de pouvoir rank up. Fait que, dans le fond, si au mois d'août, tu finis, je sais pas, tu t'es vraiment pas dans les meilleurs, ben au moins, ceux qui ont full joué puis qui sont rendus bons, ben, un moment donné, tu vas pouvoir les rattraper. Tu sais, quand la saison va venir puis que l'autre saison va commencer. Fait que ça, c'est vraiment nice, ça. Oh. Fait que ça, c'est un autre truc qu'ils ont ramené. Puis ils vont faire comme 4 saisons par année, dans le fond. C'est une saison par vraie saison, si on veut, là. Fait que automne, hiver... Puis là, à la fin de la saison, quand tu recommences la nouvelle saison, t'as-tu genre, t'as recommencé à zéro ton rank? Ouais. Tu commences à zéro, puis comme si, dépendamment de combien tu t'es ranké dans la saison, tu vas avoir des prix, là, comme je pense qu'ils ont des guns en or, des items, tout ça que tu vas avoir, dépendamment de combien tu t'es ranké. C'est fait que c'est vraiment cool. C'est sûr qu'ils vont l'améliorer. Ils ont dit qu'elle allait l'améliorer à toutes les saisons. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, ce jeu-là. Ça va être vraiment cool, je pense. C'est à surveiller. Ok, super. Il y a aussi une petite question que j'ai vu que plusieurs personnes dans le chat nous ont demandé. Moi, j'ai répondu par écrit. Qu'est-ce qu'on pense du jeu PD2? Est-ce qu'on a joué ou non? Et qu'est-ce qu'on pense du jour? Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais Ben, je pense qu'ils veulent dire maintenant que... À cause de... PD2, c'est un jeu qui a beaucoup évolué. Moi, j'ai joué beaucoup quand il a sorti. Moi, j'ai joué au début aussi. Ouais. Quand il est sorti, j'ai joué vraiment beaucoup. Puis, un moment donné, ils ont fait un update, puis ils ont comme tout changé, puis ça venait vraiment... Sérieux? Moi, j'y jouais longtemps... Ça veut dire, c'est quand je faisais mes vidéos YouTube, ça doit faire au moins 5-6 ans, là, la dernière fois que j'y ai joué. 5 ans. 4 ans. Non, c'est pas vrai. J'ai travaillé 3 ans chez Vidéotron. Ça doit faire 3 ans. 3 ans. Vidéotron. Ouais. Oh, il y a Lutin qui dit que selon lui, ils disent que ça améliore, mais que finalement, ça fait juste plus de merde. Salut, Phoenix! Ouais, avec PD2, c'était cool au début, puis je pense qu'ils l'ont mal... Ils ont mal fait leur truc, puis maintenant, c'est rendu vraiment moins bien que c'était. Mais c'est quand même cool, là, c'est un petit jeu. Si c'est à cause qu'il est en spécial en SummerSlam en ce moment, là, je sais pas, j'ai pas vu, mais si ça tente, vas-y. C'est, ouais, surtout c'est vraiment en équipe. Original, puis tout. Là, ouais. Mais ça serait cool qu'on stream tout ensemble, ça pourrait être nice. Ouais, ça pourrait être nice, sérieux. Ben, PD, c'est pas le jeu que la personne derrière toi avec des grosses mains jouait avec Alex? PD2, dans le fond, c'est que tu dois être, tu dois faire des vols de banque, etc. Essayer d'aller faire exploser des trucs, essayer d'être plus subtil, tout dépendant quel personnage que tu as. Il y en a qui peuvent, avec les stats, ouvrir plus vite des cadenas, tandis que d'autres vont être meilleurs, etc. Puis ce qui est cool aussi, oui, il y a vraiment des grosses mains. Ben oui, mais c'est vrai, il y a vraiment des grosses, mains derrière toi. Je sais pas si c'est un effet. Ah, tu parles de one-up. Mais ouais, il a joué aussi avec... avec Alex. Puis c'est vraiment un jeu qui est cool en plus, parce qu'il y a des petites choses qu'on peut customiser. Par exemple, les masques, ce qui est vraiment cool. Puis par exemple, justement, avec le jeu Dead by Daylight, si tu le précommandais en édition spéciale, t'avais 2 masques gratuits spéciales. Parce que, ben, je sais que quand il le streamait, il y avait un énorme hype sur Twitch pour ça. Si c'est bien le jeu que je me souviens. Mais ça fait un petit bout, par exemple. Oh, oui, ça fait, on parle de l'an passé, là. Même avant, je dirais. Ouais. Ben, en tout cas, bref. Ça peut... Mais c'est vrai que c'est cool pour un... Puis, c'est ça. Sinon, toi, Anne, est-ce que tu nous as parlé de ton jeu? Ben, mon jeu à moi que je voulais parler, c'est une critique du démo de Resident Evil, c'est-à-dire le 7e. J'y ai joué, je l'ai streamé cette semaine en après-midi ou la semaine passée? Non, c'est cette semaine en après-midi. Ça m'a pris quoi? Une demi-heure, 45 minutes? J'ai fait... Wow, Madame Zoom! Fait que... Ah, tu me déconcentres, tu sais? OK. C'est ça. Ce qui est cool avec ça, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que c'est beaucoup changé, contrairement au Resident Evil du passé. C'est-à-dire, faut dire que dans les premiers, c'était beaucoup plus survivance, où est-ce qu'on voyait la caméra de haut, le 4, 5 et le 6, c'était beaucoup plus, on voit notre personnage, beaucoup de tirs, etc. Par contre, moi, je crois que ça va être un peu comme Pity. On a vu une démo, on est dans une maison, il essaie de nous faire peur, comprendre un peu le jeu, mais je suis pas certaine que ça va être comme ça, le vrai jeu. J'ai aimé le fait que, oui, je me suis sentie comme dans un jeu de survie et non de shooter. On s'entend que Resident Evil 5, avec Chris en Afrique, qui s'amuse à tirer tout le monde, essayer d'avoir le plus de émo possible, c'est pas vraiment de la... Oui, c'est de la survie, mais pas au point d'en avoir à 100% peur, comme par exemple celui que j'ai joué. Celui-là me rappelait même un peu les Silent Hill, la démo. Aussi, ce qui est cool, c'est qu'on peut trouver des objets, puis il y a 4 fins disponibles, tout dépendant les options que tu prends ou non. J'ai réussi à trouver une fin. Par contre, je sais comment faire la deuxième, mais je ne l'ai pas terminée. Jusqu'à maintenant, moi, je suis vraiment satisfaite de la démo. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Non, moi, j'ai... Non. Mais oui, voyons. Je l'ai essayé, mais pas assez. Oh. J'ai comme une game, genre, c'est nul. Là. Comment ça? Tu t'es rendu jusqu'où? Hein? Tu t'es rendu jusqu'à où, environ? Jusqu'à nulle part, genre, j'ai comme ouvert, puis that's it, là. Wow! Non, mais sérieux, c'est vraiment cool. Moi, je recommande aux gens. Le plus, c'est que c'est gratuit. C'est quand même une petite... une démo qui est quand même très intéressante à faire. Par contre, vous devez avoir le PlayStation Plus. Ben, moi, je l'ai eu sur ma télé. Oh, sur ta télé? Sur PSN. À cause ma télé, c'est une Sony, genre. Oh. Il y avait comme un genre de truc que je pouvais l'essayer, pis tout, là. Mmh. Ouais. T'as-tu la j'ai pas de manette pis tout pour aller, fait que c'est pour ça que j'ai pas t'as fait fuck it. Ouais, c'est comme j'ai fait ah, c'est nice, pis j'ai fait ouais. Je peux pas jouer plus que ça. T'as-tu le Xperia comme cellulaire? Non. Ok. Samsung. Ok, parce que moi j'ai essayé avec le Xperia, le Remote Play là, avec le Xperia en 4K là. Ooh. Avec le PlayStation puis tout ça, puis ça marche super bien. Puis j'aurais aimé ça essayer le cellulaire, puis le remote, puis tout, avec la TV Sony, là. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je te demandais. Mais non, j'ai pas... non, mais je peux faire le... Mais c'est con, hein, ça me prend vraiment la manette pour jouer sur ma télé, comme. Ça me prend vraiment une manette PlayStation 4. Mm-hmm. Mais avec mon cell, je peux quand même contrôler ma télé, mais je peux pas jouer. OK. C'est... Ouais. Mais je sais pas si avec un cell Sony, ça marche, là. Ben, c'est supposé, parce que je sais qu'avec un cell Sony, t'es capable de faire marcher plusieurs TV. Ben, comme ton cellulaire, dans le fond, Samsung, que t'es capable de faire marcher ta TV Sony, là, finalement. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Puis sinon, en terminant, on voulait parler du Comic-Con de Montréal! Il y a une autre chose aussi qu'on voulait parler. Oui! Hein? Ben oui, le jeu Inside. Ah oui! Ah oh, oui! Excusez! Non, wow, hein? Merci Paulinette, c'est super gentil. Wow, j'ai bien dit ça aigu, je suis désolée. Gentil! J'ai dit! Fait que, dans le fond, ce jeu-là, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un jeu... Ben, justement, t'avais une vidéo avant qu'on devrait te laisser montrer. Non, on n'a pas de vidéo. Oh, tu l'as pas vu finalement? Stream. Coupe la vidéo! Vite, on s'en va! Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, c'était quand même une grosse vidéo, puis vu qu'on veut quand même... Okay. Fait que dans le fond, c'est les mêmes créateurs que le jeu Limbo. Il est sorti en date d'aujourd'hui, puis il devrait sortir le 7 juillet pour le Windows. Mais dans le fond, il est sorti aujourd'hui pour la Xbox seulement. Docteur Jumu. C'est ça. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ressemble beaucoup à Limbo face au visuel. C'est un petit personnage qui est comme un peu beaucoup d'ombre. Et il faut essayer de survivre. Il y a beaucoup de puzzles. Faut essayer de... Mais c'est sûr que c'est dur à vous décrire parce que vous le voyez pas, là. Bon. Regardez, on va essayer d'envoyer au moins des images. Je crois pas bien long. Mais ben là, c'est vrai. C'est pas visuel. Ben oui, come on. Essaye de l'expliquer, vas-y. J'ai lu la même chose que toi. Ben, en fait, là, c'est que t'essayes de contrôler ton personnage. Puis En regardant ton environnement, tu dois essayer de décoder à temps le puzzle à faire. Fait que des fois, mettons, ton personnage, là, tu vois que les autres, ils sautent une fois, ils reculent deux. Donc, tu sais, là, tu vois, puis il faut que tu le fasses exactement au bon moment. Puis ça respecte tout. Un puzzle, par exemple, hein? Parmi tout ce qu'il peut avoir, là. Ouais, ben c'est ça. Comme là, maintenant, fallait que tu ramènes un cochon pour te grimper dessus. Tu sais, c'est vraiment diversifié, puis ça respecte vraiment l'esthétique qu'on retrouve chez Limbo. Donc, puis c'est assez glauque aussi. Donc, les gens qui ont apprécié Limbo pour ça seront pas déçus, là. Oui. Puis en plus, ce qui est cool aussi, c'est que oui, il y a des ennemis, mais aussi, il faut essayer de faire attention parce que les ennemis, ça peut être, par exemple, quand t'es dans l'eau, il peut y avoir des sirènes qui sont genre vraiment trop intenses, ou il peut même y avoir, je sais pas moi, des chiens qui vous courent après. C'est vraiment cute. Regardez, je vous ai envoyé le 10 minutes de gameplay, si ça vous intéresse. C'est sûr, c'est trop long à mettre pour l'instant dans le podcast, mais ça peut être quelque chose qui est intéressant à aller voir pour vous donner une petite idée. Aussi, ce qui est cool avec ça, c'est... Je dis tout le temps ça, hein? Aussi, ce qui est cool avec ça, nanana... Parce que tout est cool. Tout ouais. est cool! Hey, si on parle de ça sur le podcast, c'est parce que c'est cool, OK? Ouais, you state, là. Ouais, c'est ça. Fait que l'histoire aussi, ça semble vraiment intéressant. C'est sûr que je n'ai pas vu vraiment, puis on dirait que c'est des personnages qui veulent voir qu'est-ce qu'il y a en dedans, que tout le monde devient comme zombie. Mais, en tout cas, ça, c'est à vous de vérifier, c'est à vous de faire à l'idée, puis C'est assez émotionnel, ouais. C'est assez émotionnel, puis artistique comme jeu. Fait que... Et puis, pour répondre à Dr. Jumu, on a parlé de The Last Guardian au dernier podcast, au podcast précédent, en fait, puis à propos de nos prévisions pour le E3, notre podcast qui peut être trouvé sur iTunes, Google Play et YouTube. Donc, yep. Voilà. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter pour Inside? Nope. No? OK. Moi, j'ai envoyé le gameplay. Les gens vont se faire à l'idée. Moi, je ne l'ai pas essayé personnellement. Je vais peut-être pouvoir en parler plus si je réussis à l'avoir, là, à me l'acheter. Yeah! Puis sinon, on va enchaîner sur le Comic-Con de Montréal! Là, c'est là qu'Anne, elle se déconnaît. Ouais, totalement, là, on l'a vu dans son visage. Vous savez ce que j'en pense. Ouais, ben, on va faire un petit résumé vite, dans le fond, le Comic-Con, il est sur 3 jours. Ben, OK, on s'entend qu'il commence le vendredi à 1h30, mais je pense pas qu'il va y avoir grand-chose. Dans le fond, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Il y a plein d'invités, comme dans tous les Comic-Con, puis tout ça. Et puis, mon Dieu, salut Tigidou. Et puis, c'est quoi je voulais dire? Ouais, c'est ça. Et certaines personnes qui présentent à ce podcast vont avoir la chance de participer à un panel. Certaines. Donc, Madame Zoom, que vous voyez présentement, et moi-même, on va faire partie d'un super panel sur les filles et le gaming. Yes. Là, on a toujours à dire qu'est-ce qu'on va parler, Katlers, pour inciter les gens à venir. Ben oui, tout à fait. Ben, parlons-en. Hein? Ouais, oui. Tu veux-tu en dire un petit peu? Ou tu veux que... Ben oui. Ben dans le fond, le podcast, ça va être pour... Ben le podcast, de quoi je parle? Le panel! Ça va être... On se mélange, là. Ça va être, dans le fond, pour parler de comment les filles... Je sais pas comment dire ça. Comment les filles s'intègrent aux différents milieux... qui a rapport à les jeux vidéo, fait que autant Twitch, le e-sport, même les domaines plus geek si on veut, fait qu'on va aborder plusieurs questions, puis on va partager nos opinions. On est des filles qui ont tout rapport dans ces milieux-là, puis on a toutes des backgrounds différents, fait que ça va être assez intéressant de voir les opinions de chacune. Ouais. Puis dans le fond, le panel s'appelle Joueur 1, numéro 1, les filles. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, vous allez avoir les informations. On va être samedi midi. Le numéro de la salle, écoutez, j'ai pas retenu les 14 millions de chiffres, là. Je suis désolée. On l'a-tu, le numéro, pour vrai? Oui, oui, c'est tout indiqué dans la page Facebook. C'est un crime! Je le savais même pas moi-même. on va se perdre, là, on n'arrivera même pas à la salle. Au share! Donc, tout, là, t'as un peu mal de share ça dans ton... Mon dans Dieu, ton... Andy Gaming, t'es un fan... Merci, Zerok. Je me suis fait des amis. Ben oui. C'est 512C. Puis, voici le lien de l'événement, tout le monde. Ouais! Allez, être intéressé à notre événement. Yes. Jamais pas assez de spam. Et puis, il n'y a pas juste, dans le fond, nous, là, de streamers, qui on va avoir un panel. Epic J-Stick va avoir un panel également. Et Girls on Games, que je fais partie également, on a un panel. Il va y avoir d'autres panels. Voilà. Puis sinon, dans le fond, toi, Madame Zoom, tu vas y aller au Comic-Con? Ben oui. Je fais un panel. Ma tête là, je te jure. Non, non, non. Tu vas venir à ton panel. 45 minutes plus tard, tu t'en vas, puis c'est fini. Ah, c'est clair, man. Moi, je suis avec mon camp, là. Non, non, pour vrai, je vais me promener. C'est la première fois que je vais aller au Comic-Con. Fait que je vais aller à notre panel. Je vais aller au panel d'Epic, puis je vais checker les autres panels qu'il y a, là. Ça dépend peut-être Girls on Game, mais ça dépend à quelle heure, puis tout ça, là. Ouais. T'as-tu l'heure qu'elle te laisse? Ben, c'est à cause que, dans le fond, nous, pour notre panel, on a eu le hockey d'en parler. Pour les autres panels, il n'y a pas encore le hockey. Oups, l'aille! Fait que... Non, non, mais on peut dire qu'il y a un panel, mais sinon... Pas dire l'heure! Ouais, ben c'est ça! Non, non, mais nous autres, on a eu le hockey, fait que nous, on est correct, mais je veux pas le dire pour les autres qu'ils n'ont pas eu ou qui sont pas à l'aise avec le hockey, donc... Paulinette, des panels, en fait, c'est des... comment qu'on dit? Mais dans le fond, t'es comme dans une salle, t'as comme un petit stage avec une table, puis t'es assis derrière la table, puis c'est comme une table ronde de discussion sur un sujet X. Donc, je pense qu'en France, nous n'avons pas la même... C'est un panel, c'est comme une conférence, c'est ouais. Ça? Ouais. Mais comme une conférence de presse, plus que nécessairement une grosse conférence, là, genre devant les médias. Ben, c'est une conférence entre amateurs, putain. Ouais. Mais bon, Evros qui nous fait la traduction, panel égale conférence. Mais... Non, il a écrit conférience. Conférience. Mais c'est la conférence, putain, là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que nous, notre panel, on a eu le hockey, dans le fond. Pour vous le dire, c'est samedi à midi. Fait que vous venez tous en grand nombre, avec des pancartes. Des pancartes? Ben oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? je veux une pancarte écrit Madame Zoom, c'est clair, je veux ça maintenant, tu m'as donné... Ben ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça, des pancartes? Mais non, mais... Toi, tu vas avoir des fans avec ta mère, elle va arriver là avec une pancarte. Hey, mais hein? Comment ça tu sais que ma mère, elle vient? Ben, je me dis que ta mère, t'es ta plus grande fan, fait que je me dis qu'elle va être là. Comment ça, tu sais qu'elle vient? Un guess, j'ai pris, puis tu viens de me le confirmer. Ah! Ouais, ben c'est ça, là. On s'en va visiter la grande ville, tu comprends? Oh, tabarouette. Mais Névrose, d'abord, je veux une pancarte. Prends ça, écris ça right now. Toi, puis coach, faites-moi une pancarte. Tabarouette. Louis-Philippe veut venir prendre la place du chat. Et toi, Andy Gaming, vas-tu venir au Super Comic-Con encourager tes amis? Je sais pas, parce qu'il faut que je paye le billet. pour l'instant, c'est ça, j'ai comme pas de travail, fait qu'on verra rendu là. C'est plus une question d'argent, puis je vais aller voir, là. C'est sûr que je vais y aller avec le moton! Le moton! Sachant que j'essaye depuis le début de forcer ma chaîne, puis que finalement, c'est pas encore assez. Mais... Mais sinon, je suis vraiment heureuse pour vous. C'est vraiment nice. C'est vraiment... Je trouve ça enfin que... cool que les filles puissent ressortir des panels et tout. Panels dans les conférences! Ouais. Surtout quand c'est relié aux jeux vidéo puis que c'est pas nécessairement juste du cosplay. Hein. Souvent, on va beaucoup juste du cosplay avec les filles. Mais là, au moins, on va pouvoir le voir un peu plus du côté des jeux vidéo, ce qui est awesome, selon moi. Ouais. Puis sinon, y a-t-il des genre des activités, des vedettes ou des choses qui vous attirent? Moi, je sais que j'ai vu qu'il y avait celle qui fait la copine de... Comment qu'il s'appelle? Dans... Voyons, le super-héros, là. Oui, j'ai un blanc. Attends. Superman. Non. Deadpool! La copine de Deadpool. Ah, OK. Mais, attends, mais dans la vraie vie ou... Non, dans le film. Oui, j'étais comme... Sinon, il y a aussi Jessica Nigri qui est très populaire en tant que cosplayeuse. Ah, moi, j'aime mieux Yaya. Ouais. Oh, dansons, le gars. C'est ambiance, ça. Puis il y a aussi le gars dans Sons of Anarchy. Moi, je l'ai pas écouté, ça, par exemple. Oh, puis Alexandre Wick, tu as raison, il y a Tom Felton. Tom Felton, ça l'a fait comme un semi-scandale, parce que je pense que c'est comme pas loin de 100$ pour avoir une photo avec lui. Là. Wow! Hey, moi, c'est gratis avoir des photos avec moi. C'est l'aubaine. Wow! L'aubaine! L'aubaine. C'est nice. Puis sinon, ben il y a un spécial aussi de Star Trek. Je sais pas si vous êtes fan, là, ça paraît dans votre face. Mais c'est ça, mais tu sais, pour les fans, il va y avoir comme un... Il y a comme beaucoup, beaucoup de je sais pas comment là, d'acteurs, de pas mal de toutes les Star Trek qui sont là. Fait que c'est ça. Puis sinon... Mais vous autres, c'est-tu quelque chose qui vous intéresserait, comme de payer puis d'aller prendre des photos avec comme... Moi, vraiment pas. Parce que je suis pas assez fan de ça, puis je trouve que payer pour une photo, je trouve ça ordinaire. Parce que, tu sais, je sais pas. C'est pas mon genre de faire ça. Moi, je serais mal à l'aise. Moi, je serais trop gênée. Gênée? Oh man, moi, c'est pas la gêne, c'est l'argent qui me retient. Moi, j'avais été l'année passée, puis il y avait celui-là qui faisait, il me semble, Jason dans les films d'horreur, là. Lui, oh. Je le trouvais vraiment cool. C'est juste que c'est quand même... Je trouve pas que ça vaut la peine de payer un gros montant comme ça. Oui, je comprends qu'ils sont venus, mais est-ce qu'ils ont un cachet en dehors des photos? Oui. En plus. Mais ouais, mais c'est ça qu'Alexandra dit, dans le fond. Alexandra, oui, ça dit, on peut quand même parler aux vedettes. Puis les vedettes, justement, ils prennent le temps de jaser avec nous quand tu prends la photo. Fait que... Puis aussi quand tu vas juste signer l'autographe. Ouais, mais l'autographe, faut que tu payes aussi. Ouais, oui. Normalement, oui. C'est ça, ça finit plus, genre. Ça te coûte 200$ voir quelqu'un une seconde, c'est comme... Cool. Ben, normalement, là, moi, je les ai pas mal toutes regardées. C'est 35$, puis t'as comme, mettons, les cosplayeuses, t'as Jessica Nigri, t'as Yaya ensemble, fait que tu peux te faire prendre une photo avec les deux. Puis c'est tout le même prix. Fait que, comme, mettons qu'on décide d'y aller toutes les trois, se faire prendre en photo avec, mettons, Jessica Nigri, ben, ça nous coûterait juste 30$. 35$, tu sais. Fait qu'il y a quand même ça. Mais Tom Felton, c'est vrai que là, lui, il bat un record, puis c'est pour ça que les gens ont chialé, parce qu'ils sont pas habitués au Comic-Con de Montréal de payer ce montant-là. Par contre, en Californie, il me semble que c'est habituel, non? Oui, oui, ben oui. Mais c'est parce qu'on s'est entendu qu'en Californie, moi, je me souviens, il y a quelques années, là, quand que True Blood, là, ça jouait encore, des trucs comme ça, là, t'avais le cast au complet, là, de True Blood. Parce qu'il me semble que c'est plus que 35, non? T'as été voir? Oui, oui, j'ai été voir. Pour le Comic-Con de Montréal, là, la majorité, c'est tout à 35$. Et puis, mais tu sais, si on te regarde les Comic-Con aux États-Unis, tu sais, mettons, là, t'as le cast au complet de Walking Dead. Ou t'as le cast au complet... Oui, je les ai vus l'année passée, justement, au Comic-Con de Montréal. Non, mais ça, c'est cool, par exemple. C'est ça. Ou, mettons, t'as le casque. T'as le cast au complet de Games of Thrones. Tu sais? Là, t'es comme, OK, ouais, là, il y a un hype ou whatever. Mais là, comme nous, ben, tu sais, mettons, il y a une différence, là, entre, je sais pas, moi, ta plus grande vedette versus quelqu'un de... Mm-hmm. Ouais. C'est comme Névrose dit, c'est des acteurs has-been, en plus, surtout, genre. Fait que c'est comment... Ouais, ben, tu sais, au Canada, là, au Québec, là, tout ce qui est Comic-Con pis tout, c'est pas top, là. Tu sais, ouais. Nous, c'est assez... tu sais, aux États-Unis, c'est assez big, là. Ben, aussi, c'est parce que c'est fait là-bas, tu sais, Games of Thrones, c'est fait aux États-Unis, donc... Tu sais, c'est comme si Games of Thrones était fait au Québec, ben, on espérait les avoir avec nous au Québec. Ouais, c'est quand 19-2 ils vont Comic-Con. Ah oui, c'est tellement geek, 19-2. Ben, tu sais, il y a quand même eu. Comment ça s'appelait, là? Il y avait une émission québécoise, là. Je pense qu'il y avait Guylaine Tremblay là-dedans. Puis c'était du monde qui disparaissait dans les années 40, là. What the fuck? Je sais aucune idée. En tout cas, je sais pas trop. En tout cas, c'est assez fucké. Ça aurait pu faire, là, mais. Ça aurait pu faire. C'est ça, ordinaire, mais quand même, là, je l'aurais pris. Ben oui. Bon. Puis sinon, vous autres, vous allez faire quoi le mois prochain et jouer à quoi? Le mois prochain, ben là, c'est dans longtemps, là. Ben, dans le fond, à partir de demain jusqu'au 1er août, tu vas faire quoi? Sûrement jouer à Overwatch. Oh! Puis essayer de ranker à fond. Ouh! Oui. Est-ce que tu vas streamer tes ranks, ton ranking? Sûrement. Mais que okay. Je joue, je vais ouvrir mon stream, puis je vais streamer ça, c'est clair. Nice. Nice. Toi, Anbi? Moi, je vais streamer ce samedi. Ça devrait être du Dead by Daylight. Je vais peut-être encore faire un samedi shooter, tout dépendant. Ouh! Yes! Ouais, Et en plus, avec maintenant mes nouvelles emotes sur ma chaîne avec BTTV, j'ai des shooters et je peux maintenant mettre le calcul des shooters que je prends. Donc les gens écrivent point d'exclamation shooter avec le numéro. Ça va être intéressant. Oh my god! Ouais, je te le dis, j'ai tout pensé à ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Sinon, je peux peut-être faire un petit peu de Dead by Daylight. Je vais faire aussi... Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai aussi du Overwatch, là. Sinon, j'ai pas grand-chose que j'attends en tant que tel ce mois-ci. Non? Oui. Ah ben... On prend ça. Ben oui. Oui, puis mardi, co-op stream spécial avec Mathis. Ouh! Ben, dans le fond, c'est-tu parce qu'il est sub? Oui, dans le fond, okay. Moi, j'ai GameWhisp sur ma chaîne, et tout dépendant les prix, j'ai des bundles, et Mathis a pris un bundle spécial où est-ce qu'on a un co-op stream. Wouhou! C'est-tu un streamer ou...? Mathis, oui, il a déjà streamé. Ah, okay. Présentement, il est plus en arrêt parce qu'il vient de s'acheter un nouvel ordinateur, mais il va recommencer ça. Nice! Yes! Ouais, mais là... Ah, ben c'est ça. Pour ma part, comme Alexandre Wiss, ça le mentionne, le mois prochain, mais dans le fond, au mois de juillet, il va avoir... Parce que là, dans le fond, en raison du Comic-Con, on a fait le podcast qui était censé être le 3 juillet, ou je sais pas trop. On l'a fait aujourd'hui parce que... Le 6. Ouais. Le 6, parce que, dans le fond, moi, je suis en région, et le voyage et tout pour me rendre au Comic-Con, c'était un petit peu pas d'adon. Fait que, donc, c'est ça. Fait que, moi, au mois de juillet, il y a le super meet-up Twitch qui se passe au Saguenay. Là, vous avez sûrement dû voir le lien là, popé dans le chat là, durant le podcast. Ensuite, il y a également au Comic-Con, il y a un meet-up aussi d'Epic Joystick. On en a parlé un petit peu. Il va y avoir un souper. Moi et Madame Zoom, on y va. Le menu, il est juste trop drôle. Ça va être le fun. Et puis, sinon, ben, il y a le Comic-Con en tant que tel, qui va prendre quand même gros du temps. Puis justement, j'en profite pour faire une petite vacance avec ma maman, comme on en parlait. Comme Madame Zoom m'a découverte. Puis m'a callé out en live partout. Au collège, je savais pas ce top secret. Ben non, mais Simoniac, à l'âge que j'ai, là, d'aller à Montréal avec ma maman. Come on garde ça ben secret. Là, je sais pas, moi. On garde ça secret. Ah là, tu joues à Yoshi avec ta maman des fois. Fait que je m'étais ouais, dit... j'avoue. Il y a plus. Ok, c'est beau d'avoir rien dit. C'est correct. Fait que c'est ça. Fait que si. Puis si jamais vous êtes intéressé à whatever qu'on a parlé, les meet-ups, le Comic-Con, notre panel, whatever, vous comme tapochez ça dans Facebook, puis ça va tout vous popper dans la face. Donc, c'est ça. Nice! Ben oui! Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Non! D'accord! Non, c'est tout! Ok! Bon, fait que, ben c'est ça, fait qu'on va faire un petit rappel, aller follower la chaîne de Madame Zoom, qui est Madame Zoom, twitch.tv. Dans le fond, twitch.tv/MadameZoom. Oui! Et Albi Gaming, twitch.tv. /NBGaming, c'est super compliqué, c'est sûr. Yes! Et puis, ah, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ouais, plein merci de merci beaucoup, Paulinette, d'avoir été là aussi. À oui, tout le monde. Merci, pour le Paulinette! Host pour le host. Oh, t'es vraiment gentille! Et puis, sinon, vous pouvez nous trouver en rediffusion sur YouTube, iTunes, Google. Et puis, c'est ça. Voilà. Fait que merci à tout le monde! Bye. Bye-bye! Tout le monde fait des bye-bye sur Albi. Bon, OK. À dans un mois. Moi, éteindre le feu. Bye! Attends.